sort de ma bouche, tu ne le crois pas. Tu te poses un tas de questions, est-ce que t'as raison d'avoir confiance en moi? Pourtant je fais tout pour te rassurer, je veux que tu m'identifies à ton papa. Et ne t'inquiète pas pour nos ennemis, font pas le poids. Et tu m'ignores, mais sans moi tu peux pas naviguer. Et tu m'ignores, mais sans moi tu sais que tu peux compter. Tu as peur, mais avec moi tu pourras tout surmonter. Il est l'heure, ouvre-moi ton cœur et donne-moi la clé. Je voulais la clé de ton cœur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais juste ton bonheur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais la clé de ton cœur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais juste ton bonheur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Seule femme qui m'intimide, quand tu souris, je perds toute confiance en moi. Pas besoin de marabout de gris-gris, c'est Dieu qui m'a dit que t'étais à moi. Approche-toi, n'aie pas peur de me dire ce que tu ressens pour moi. Dis à ton père que je prendrai soin de sa fille comme un soldat. Et tu m'ignores, mais sans moi tu peux pas naviguer. Et tu m'ignores, mais sur moi tu sais que tu peux compter. Tu as peur, mais avec moi tu pourras tout surmonter. Il est l'heure, ouvre-moi ton cœur et donne-moi la clé. Je voulais la clé de ton cœur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais juste ton bonheur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais la clé de ton cœur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Je voulais juste ton bonheur, mais tu m'as pas laissé rentrer. Pas menti, je t'ai promis les étoiles, on est arrivé. Bébé, quand tu m'embrasses, j'ai l'impression qu'on va s'envoler. Accroche-toi, bébé, on va descendre de la fusée. Je voulais la clé de ton cœur, mais tu m'as pas laissé rentrer.